Pour l'anecdote, du coup, quand j'ai proposé à Sarah de venir, donc je lui ai proposé avant de proposer à Océane. Et donc il y a quelques jours, du coup, je lui ai dit, voilà, bon, on va enfin tourner ensemble. Bon, on a déjà tourné avec quelqu'un d'autre, une autre fille. Et Sarah m'a dit, oh, je suis trop deg, je voulais être le premier représentant féminin de l'émission. C'était un symbole fort. Les femmes, hein. Oh, parlant. Oh là là. Toutes pareilles. Non, c'est sorti aussi. Ah là là, on avait dit qu'on arrêtait d'être sexiste. Heureusement que je suis le quota féminin de cette émission. Parce que ça commençait un peu sur Twitter à jaser. Oui, mais tu es un symbole fort parce que tu es une fan de l'émission. C'est vrai. C'est ça. Peut-être la première fan de l'émission. Ouais. Bon, attendez, on m'appelle, je reviens très très rapidement, c'est pas pro, je suis désolé. Bon, bah, on va continuer à faire connaissance, Sarah, puisque bah, on a que ça à faire. Hein. Du coup, t'aimes les sacs en plastique? Oui, les sacs. Bah, c'est pratique. T'aimes quand même. Quoi? T'aimes les sacs? Mais c'est oui, mais c'est pas recyclable. T'aimes la pollution? Je comprends pas ça. Putain, sur Twitter, ça va pas le faire ça. Ouais, non, ça va vraiment pas le faire. Oui, mais je préfère ceux en papier et biodégradables. Ah, d'accord. Donc t'as une ça préférence va. Pour les sacs en papier, ouais. Mais tu pourrais avoir un sac en plastique chez toi. Je pense en avoir, mais. Mais du coup, les sacs en tissu, c'est pas trop ton truc? Me revoilà. Alors, ouais. Dites-moi, est-ce que comme à chaque fois que quelqu'un quitte un enregistrement de brainstorming, vous avez craché sur moi pendant que je n'étais non, pas là? Non, on avait un débat très intéressant. Tu vas découvrir un débat au montage, ça. Tu vas pouvoir le couper, je pense. Non. Il suffit d'une étincelle pour donner vie à quelque chose. Donc, à l'image de Frankenstein et de sa célèbre créature, nous allons aujourd'hui dans Brainstorming nous lancer dans la création d'un quoi ? D'un monstre. C'est-à-dire qu'en partant d'un thème découvert en direct, on va sortir un maximum d'idées de nos petites têtes pour donner vie à une histoire. Sera-t-elle bonne ou mauvaise ? Mais on s'en fout en fait. Mais ouais. On s'en bat les couilles. L'idée, c'est juste de créer quelque chose. Et pour m'accompagner dans cette expérience, je suis avec l'alpha et l'oméga. Oh. Je suis avec l'oxygène de mes poumons. Je suis avec l'horizon des événements de vos vies. Je suis avec Guillaume. Salut Guillaume. Qu'il est beau. Wow, je vais être en couple avec tous les gens qui écoutent Brainstorming. C'est génial. Non mais parce que les auditeurs n'ont que l'audio, mais s'ils avaient le visu... Oh putain, arrêtez de me sucer. Je suis gêné, je suis tout rouge, hein. Si vous aviez le visuel, c'est faux, ouais, c'est je ne rougis jamais, j'ai jamais rougi de ma vie. T'es tellement pâle mon gars, sors un petit peu au soleil. En fait, je suis tellement habitué aux compliments que... Bah là, on fait une belle brochette de palo. Ah là. Et puis d'ailleurs, justement, on entend une petite voix avec nous aujourd'hui, mm-hmm. Et donc évidemment, on est habitué. On a une invitée. Oui. On a Sarah qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Sarah. Bravo. Non, n'applaudis pas. Je me suis rendu compte que au montage, après, c'est infâme. Pardon. Ça saturait. Ouais. Et puis je le mérite pas en plus. Mais non. Ça mais... fait deux bonnes raisons. Bah, j'ai pas de contre-argument parce que je te connais pas assez, mais je suis sûr que au fond de toi, caché quelque part, t'es une bonne personne. Putain, merci. Et ça vient de l'homme qui est l'horizon des événements de nos vies. Donc c'est forcément... L'horizon des événements de nos vies. Ouais, ça veut dire que je suis à l'horizon. Ouais. Et que quand tu marches, ouais. Bah, y a moi. Il y a un moment, tu vas me rentrer dedans. Mais non, parce que l'horizon, voilà. En fait, ça veut dire que tu es inaccessible. Ah, c'est cool ou c'est pas cool? C'est peut-être ça qui te rend si particulier auprès des auditeurs. Tu vois, c'est comme les chanteurs de K-pop qui doivent rester célibataires pour donner l'impression ouais. qu'ils sont accessibles okay. et qui en fait le sont totalement inaccessibles. Et c'est okay. ça qui fait ouais. que tu vois. Ouais, bah ouais. De toute façon, je suis pas en couple avec Tristan, donc. Non. Vous vous cacheriez, ça se verrait quoi. Enfin, non, ah ouais, parce ouais, qu'on n'est pas... pas. Bah déjà, on n'est pas gay. Attends, nous, hein regarde, genre, nous, gays. Des bonhommes comme ça non. Ben, je suis l'alpha, hein. Ouais. Donc, un alpha, ça peut donc, pas voilà. être gay. Bah, non. Non, plus je fais de la musculation. Heureusement qu'il y a un quota féminin quand même, hein, parce que là, sur Twitter. Ouais, c'est ce que j'allais dire là. Au moins, on calme un petit peu les problèmes. Ouais, c'est ça, pour nous rappeler qu'on est bien hétéro, quoi. On cale un peu les problèmes d'un côté, mais de l'autre, on en crée quand même. Hein. De toute façon, moi, je dis un bon bad buzz, ça reste un buzz. Moi, ouais, de toute façon, je suis à l'horizon, donc intouchable. On peut pas m'atteindre. Voilà, allez-y, un bad, essayez. un good buzz, je suis à l'horizon. Mais du coup, justement, Sarah, oui. On ne te connaît pas, on et ne oui. sait pas qui tu es. Même moi, je sais pas qui t'es. Non, c'est vrai qu'on se connaît pas. Non, Guillaume, il me connaît vraiment pas. Mais outre ça, pour faire connaissance avec toi, alors on a préparé un petit jeu pour que les auditeurs puissent un petit peu te rencontrer. Un petit jeu, c'est inédit ça. Eh oui. Vous l'avez inventé pour moi. Ça a été à l'épisode précédent. Désolé, t'es encore deuxième. Ah, et que je n'ai pas encore entendu, c'est normal. Ouais, c'est ça, il n'est pas encore sorti. Tout ça parce que j'ai pas répondu assez vite la dernière fois, quoi. Eh oui, tu aurais pu être la première. Coup dur. Alors, donc, je vais te décrire des situations, comme dans un jeu de rôle. Mm-hmm. Et toi, tu vas me dire ce que tu ferais dans ce contexte. Oula. Et donc, voilà, donc c'est des questions assez vagues. Et si jamais tu sèches, pas de panique. J'ai préparé des propositions de réponses pour t'aider, pour t'aiguiller. Ouais. Puis tu pourras couper au montage si c'est trop humiliant. Et personnellement, je crierais de l'horizon. Voilà. Rouge. Mais est-ce que c'est pas un piège? En fait, tu vas faire des questions qui amènent à des réponses. Et après, tu vas faire d'autres questions pour lesquelles cette réponse serait franchement limite, et tu vas recouper au montage de manière à me faire dire des choses terribles. En fait, vraiment, je pense que tu surestimes beaucoup le temps qu'on passe au montage. On a vraiment autre chose à foutre que de recouper les phrases. Ouais, vraiment. Et puis l'esprit brainstorming, c'est l'entraide, famille, s'embrasser, avoir des relations sexuelles. Mais en toute amitié, toujours. Ah bah oui, attends, pour qui? Aucun sentiment. Bon, allez, on se répète un petit peu, du coup, on va commencer avec la première question. J'ai fait, étant donné que ma chère Sarah, que tu es une, peut-on dire, une fanat de manga et d'autres bandes dessinées. C'est plutôt vrai, c'est vrai. Un questionnaire donc, autour d'un univers de manga. Donc, imaginons que tu es dans un manga d'heroic fantasy, et là, tu viens de rejoindre une guilde. Quelle est ta classe de personnage? Quel genre de personnage tu es? Alors, moi, j'aime bien les elfes, un peu les archers, trucs comme ça. Un peu émo-collégienne, mais un cool. un peu Évangeline dans Wakfu, tu vois. Hein, pas mal, les cras, quoi. Mais dans Dofus, j'ai toujours joué que les cras, moi. Les autres, je les aimais pas. Donc, t'es une lâche qui tire à distance, quoi. C'est ça. Ouais, ben, non, j'ai très conscience. Je connais mon corps. Je connais mes limites. Et je sais que pour moi il vaut mieux pas le corps à corps, c'est foutu quoi, donc il vaut mieux attaquer à distance de manière fourbe et sournoise. Bah après dans ce genre là il y a aussi l'assassin, tu vois, qui lui... Bah perso moi je serais un assassin, donc je suis encore plus lâche. Une classe plutôt fourbe, parce que l'assassin c'est vraiment le mec, il vient en scred, personne le voit, il donne juste un coup. Oui, et puis surtout il sait que s'il rate son coup, en fait c'est lui qui est mort, donc vraiment il... Bah, s'il rate son coup, il part en courant, ce qui te ressemble beaucoup, du coup, Guillaume. Je l'ai fait que 4, 5 ou 8 fois, je sais plus, mais... Ou invocateur aussi. Ouais. Ah, ça, c'est un bon truc de lâche, tu envoies quelqu'un d'autre se battre. Oui, mais faut aimer les animaux. Tu fais combattre tes chiens, sinon, du coup, c'est pas cool du tout. Non, j'aime pas invocateur. Moi, je déteste les animaux. Je mange à McDo, des fois, pour vous dire à quel point je déteste les animaux. Et donc, du coup, tu nous as dit une archère... Donc c'est parti, tu viens d'entrer dans la guilde, tu es toute émerveillée par ce nouvel horizon qui s'offre à toi, cette nouvelle équipe avec qui tu vas partager de magnifiques choses. Mais à peine tu arrives dans la guilde, dans le QG de la guilde, que le QG se fait attaquer. Tu ne vois pas d'où vient la menace, mais le bâtiment est en train de s'effondrer. Quelle est ta première réaction, à part crier à la mort et pleurer sous une table? Bah fuir, enfin essayer quoi. Essayer de fuir. C'est même pas elle y arrive, quoi. C'est juste elle essaie. Même ça, elle a pas confiance en elle. Elle court, elle fait « Attends, est-ce que je sais fuir, en fait ?» Et elle tombe. Je suis peut-être trop terre à terre, là, dans ma réponse. Encore une fois, elle connaît ses compétences, elle connaît son niveau, elle connaît son corps. Elle sait qu'elle va essayer de fuir, mais elle sait qu'elle ne peut pas y arriver. La meilleure façon de se rallonger la vie, c'est d'essayer de ne pas se la raccourcir. D'accord, tu n'utilises pas le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir... Ouais, mais je viens d'arriver, du coup, je ne me suis pas encore fait des amis, donc le pouvoir de l'amitié est inefficace. Ah, c'est chaud. Mais justement, normalement, c'est le genre de moment où tu crées justement cette première étincelle d'amitié. Bon, alors attends, quel genre d'attaque c'est, du coup? Tu ne sais pas. Pour le moment, tu ne sais pas. Mais ça s'écroule, ça... Ouais, en tout cas, le bâtiment est en train de s'écrouler. Ah bah, faut fuir de toute façon, tu vas pas rester dessous, enfin... Vas-y, t'ose. Vas-y, viens le plafond. Viens. Je vais te remonter avec mes flèches, je vais te tirer tellement vite, il va rester en lévitation, ça marche pas. Donc, donc tu as fui le bâtiment, la moitié de tes amis sont morts. Non. tu finis par réussir à sortir du bâtiment avant qu'il s'écroule. En ayant sauvé un bon paquet de personnes au passage. À savoir toi. Et c'est tout. Et tu te retrouves face à un monstre qui fait 6 fois ta taille. L'intégralité de ton équipe. Alors j'ai écrit de base est KO, mais vu les circonstances, elles sont mortes. Non. Il est temps d'utiliser ta technique secrète de la mort qui tue pour résoudre le conflit. Ouais. C'est quoi? C'est une flèche spéciale que j'utilise oh. que dans des occasions de tu vois c'est foutu quoi, tu dis c'est une flèche, elle coûte vachement cher donc tu la sors pas pour rien, tu vois. Et elle s'appelle comment? La flèche de l'ultime recours. et c'est okay. une flèche pour quoi? Pour l'ultime recours. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me sauve en cas d'ultime recours. Oui, d'accord, mais elle fait quoi? Et ben, elle renverse l'ultime recours. Non, elle est imbibée d'un poison extrêmement violent. Oh, d'accord. Qui one-shot tout ce qu'elle touche. Wow. Non, mais on te connaît un peu mieux maintenant, Sarah, j'ai l'impression. Hein, une on elfe, sait que tu es lâche. Lâche. Non, évidemment, on rigole avec tout ça, pas de panique. Ouais. Pour être honnête, je ne ferai pas mieux. Bah, on est tous des lâches ici. On est un trio de lâches. Bah, tu sais, de base, on fait des podcasts, on est des artistes. Pense que c'est pas qu'on est lâche, c'est qu'on est lucide. Mm-hmm. On est lucide du fait qu'on est lâche. Non, parce qu'en fait, si on n'était pas lâche, on serait mort. Bon, les enfants, est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode? Crier de joie maintenant. Ouais, crêpes. J'aime les crêpes. Youpi. C'est parti, il est temps de découvrir l'éclair qui donnera vie à notre monde. C'est le calme avant la tempête. Accrochez-vous, ça va faire mal. Pour cet épisode aujourd'hui, nous allons, comme précédemment, partir d'un concept que j'ai imaginé cette fois. Donc c'est une base d'histoire autour de laquelle on va broder des idées, etc. Avant de vous développer mon histoire, en gros, en ce moment, je me suis remis à Minecraft, je joue beaucoup à Minecraft. Ah. Et le Nether, qui est une dimension parallèle dans Minecraft, m'a inspiré cette histoire. Dans un univers industriel, où la ressource première pour produire de l'énergie vient d'une dimension parallèle accessible via des portails magiques. Le problème, parce que ça peut pas être aussi simple, c'est que cette dimension parallèle, elle est méga hostile. Ce qui rend la récolte extrêmement dangereuse. Mais du coup, cette ressource reste malgré tout extrêmement utile. Donc il y a toute une économie qui s'est créée autour de ça. À savoir que les entreprises qui ont besoin de cette ressource vont embaucher des guildes. Dans ces guildes, il y a plein de guildes différentes qui ont tous des spécialités différentes. Il y a par exemple les transporteurs qui sont expérimentés dans le déplacement dans cette autre dimension. Parce que si ça se trouve, elle n'est pas aussi plate et elle n'est pas comme la nôtre, elle n'est pas structurée comme la nôtre. Il y a les récolteurs qui ont perfectionné leur technologie d'extraction de la ressource. Parce que voilà, on ne sait pas quelle forme va prendre cette ressource-là, mais il est possible qu'elle ne soit pas facile à récupérer. Et enfin, il y a les protecteurs chargés de la sécurité des deux groupes précédents face aux attaques répétées des monstres ou autres dangers qui peuplent l'autre dimension. Waouh ! En gros, actuellement, j'ai vraiment décrit un univers. Mm-hmm. Et je vous propose, pour cet épisode... vu que tu es encore une fois une férue de manga, ma chère amie Sarah, d'essayer d'intégrer à cet univers tous les clichés qu'il y a dans le shonen manga classique. Et en gros, vraiment, on part de ça pour en faire un classique du manga, on retrouve tous ces codes et on voit comment on peut les utiliser pour raconter une histoire. On part du cliché pour finir sur de l'original et non pas on part sur de l'original pour finir dans le cliché. Je dirais les codes plutôt. Plus que cliché. C'est vrai qu'on dit souvent cliché, il y a un côté un peu péjoratif, ce n'est pas mal d'utiliser des clichés. Non, parce que. Parce que moi, j'ai tout écouté bien les brainstorming. Il y a un épisode où vous dites un truc de ce genre-là. Et j'ai retenu. Oh, putain, elle va nous citer. Elle va nous citer, mec. Okay. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est le moment. C'est le grand jour. Enfin. Les gens commencent à apprendre grâce à notre travail. Non, mais en plus, on me dit tout le temps que j'ai des références tellement obscures que c'est des références à des vidéos YouTube de 5000 vues. Donc. Bah, on en fait partie. Ça me blesse un petit peu, mais bon, ça va. Non, mais il faut voir ça comme on est de la contre-culture. Mais tu là, vois, là, on est méta. Ah ouais. Genre, non, on n'est pas le podcast mainstream. On est punk. Allez. Mais donc, du coup, effectivement, c'est un truc que tu as mis le doigt dessus, Sarah, que j'ai fait volontairement dans mon pitch, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal pour le moment. Du coup, quel peut être dans cet univers-là le boulot du personnage principal? Alors, moi, je pense que c'est un groupe de personnages, du coup. Mais est-ce qu'on est obligé de partir sur vraiment un personnage principal ou est-ce qu'on peut pas avoir un groupe, vu qu'il y a plusieurs types de rôles, groupe qui va être réparti De toute façon, il aura des alliés, il aura un groupe d'amis. Ouais, après, en général, il y a quand même toujours un qui se détache du lot et qu'on suit dès le début et qui est pour épisode 1 ou chapitre 1, c'est lui qu'on part, quoi. Ouais, peut-être qu'on peut avoir... en fait, là, au début, quand j'ai dit groupe, je partais sur un groupe d'amis, mais peut-être que c'est intéressant, oui, qu'on ait ce mec, ou cette fille, pardon, ce personnage ouais. qui va être engagé dans l'entreprise et qui va nous permettre de découvrir tout cet univers. Mmh. Et qu'en fait, finalement, tous les gens avec qui il va travailler donc, on va tous les suivre, mais ça va pas forcément être ses amis ou ses amis, en fait. Donc, ils vont tous avoir des intérêts. Et c'est là que ça va être intéressant, peut-être, de voir quel est leur intérêt à travailler dans cette entreprise. J'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est une très, très bonne direction. Genre, comme je l'ai décrit, en gros, il y a plusieurs guildes qui ont des rôles différents. Et donc, ces guildes se retrouvent à travailler ensemble pour aller extraire les ressources. En synergie. Elles travaillent ensemble parce qu'une entreprise les a tous les trois embauchés pour bosser ensemble. Voilà, ils n'ont pas d'intérêt autre que pécunier à faire équipe les uns avec les autres. Du coup, chaque guilde est forcément spécialisée dans un domaine. Mm. Et comment ça se passe ? Il y a une entreprise qui engage des membres d'une guilde, de chaque guilde, et qui les envoie ensuite, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est des prestataires, voilà. Les guildes, c'est des prestataires. Ouais, d'accord, ok. Donc, tu vois, genre, imaginons, on veut construire un bâtiment, bah, on va aller dans une guilde d'architectes, on va trouver une guilde de bâtisseurs, et on va trouver une guilde d'électriciens, et on va les faire travailler ensemble pour avoir le résultat final. Et c'est ce qu'ils font pour la récolte de ressources. Ok. Et donc, c'est un portail magique qui mène à cet autre monde, on est d'accord. Il peut prendre... il n'y a pas de forme précise à ce portail. Mmh. Mais ouais, en gros, c'est ça. C'est vraiment une dimension parallèle. C'est pas dans la même... Et ce portail, est-ce qu'il y a une manière de l'invoquer, entre guillemets ? Est-ce qu'il existe comme ça ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent l'ouvrir ? Moi, j'imaginais un truc un peu à la Stargate, où tu vois, c'est vraiment un portail où on appuie sur un bouton et bloup ! Okay. Ce coup, il s'ouvre et tu peux le traverser. Ouais, c'est une machine, en fait. Ouais, il y a plusieurs portails, d'ailleurs. Ah oui ? Ouais, il y en a plein. Non, il n'y a pas une catégorie de la population qui a un don, qui est capable d'ouvrir les portails et qui... Bah, c'est les entreprises qui les possèdent, c'est les seules à pouvoir les ouvrir, finalement. C'est scientifique. C'est pas un pouvoir magique ou quelque chose comme ça. C'est vrai que, d'un autre côté, je pense que ça pourrait... Je suis en train de me dire, justement, dans les codes du manga, il y a toujours ce truc où les pouvoirs du héros viennent du mal. Dans Dragon Ball, Sangoku c'est un Saiyan, c'est un méchant en réalité. Dans Naruto, t'as Naruto qui a le démon renard. T'as toujours ce code-là, Jujutsu plus récemment. Ben, actuellement, Il y a toujours ce truc de ça vient du mal. Et donc, du coup, peut-être que nos héros, en fait, il peut y avoir une tranche de la population, comme tu disais, élus, entre guillemets, qui sont liés d'une manière ou d'une autre à cette dimension et qui, eux, ont le pouvoir de la franchir. Comment là j'ai imaginé ça dans ma tête, on était plus sur un truc un peu SF, science-fiction plus que fantasy. Ouais. Du coup, ce côté-là avec une partie qui aurait des pouvoirs magiques, moi ça me parle moyen. Ouais, ça rentre pas dans un côté steampunk ou. C'est ça. Et ça me parle plus, c'est avec les kaiju, où je pense à Pacific Rim par exemple, ou à ces gros monstres que tu disais qui sont dans l'autre dimension. Godzilla. Et on peut très bien avoir notre personnage principal. Qui lui a un sombre passé, oh mon dieu, twist de malade, où il peut y en avoir en effet un truc, je sais pas, ça pourrait être, mais peut-être qu'il a de l'ADN des monstres dans son corps, tu vois, un truc comme ça, je sais pas, son père a fait des expériences scientifiques en testant des trucs sur lui, des choses, un délire comme ça. Où je trouve que là, où en effet, du coup, notre personnage principal serait très relié à ce monde par une manière comme ça. Et ça. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'il va falloir réfléchir l'histoire. Jusqu'à maintenant, le monde fonctionnait comme ça, avec ses dimensions et tout. Et autour de notre personnage, il va se passer un truc qui va faire que ça ne va pas fonctionner comme ça a toujours fonctionné. Notre personnage va avoir un truc différent qui fait que cette fois, l'histoire ne va pas se passer comme elle s'est toujours passée avant son existence. Ce que tu me disais, Guillaume, ça me faisait penser à Made in Abyss. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Un manga et animé où t'as un espèce de trou immense dans une forêt, il me semble. Okay. Et dans cet abyss, y a des explorateurs qui y vont et ils ont plusieurs classes en fonction de à quel point ils peuvent descendre profond dans l'abyss pour y trouver des choses intéressantes, des ressources, sauf que c'est très dangereux, évidemment. Et y a l'héroïne, en fait, à sa mère qui était une grande exploratrice, etc. Et elle est née dans les abysses, et ce qui fait qu'à sa naissance, elle était liée à l'abysse, et elle a toujours voulu aller dans les abysses, et quand elle est née, quand elle a commencé à marcher à quatre pattes, la première chose qu'elle a fait, c'est marcher en direction de l'abysse. Enfin, elle avait vraiment un lien particulier. Elle est attirée instinctivement par l'abysse, parce qu'elle est née dans l'abysse. Ah, ok. Enfin, ce serait bien que, par exemple, tout le monde a peur d'aller dans cette dimension, mais le héros, comme il en vient, peut-être il est né là-bas, ou il a un lien, ou il a quelque chose. Ouais, il y a un truc, il y a une espèce d'excitation à y aller, en fait. C'est le seul à être un peu... Ouais, ouais, il n'a pas la peur, et c'est peut-être aussi en ça qu'il est dangereux, c'est qu'il n'a pas peur, alors que les couards comme nous... les corps de lâche. Mais du coup, il peut avoir ce caractère, ben, ça justifie le caractère du héros de shonen... C'est un truc que j'aime bien, parce que ça résonne avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que voilà, c'est une industrie, que les gens ils vont pour le travail, tu vois, c'est leur boulot, ils font ça pour gagner leur pain, ils le font du coup à contre-cœur, ils aiment pas ce boulot-là, mais il faut le faire. Mais on a ce personnage-là qui, lui, il kiffe sa race d'aller là-bas. Vraiment, il se sent vivant quand il va là-bas, tu vois, soit à cause du danger, soit parce que, comme tu dis, c'est un endroit avec lequel il est lié, qu'on pourra découvrir au fil de l'histoire. Mais lui, c'est vraiment, c'est viscéral pour lui. Il adore être là-bas. Et vous pensez que vous... Ce taf, c'est plutôt un job de prolo ou justement un truc genre la NASA où il faut avoir énormément étudié Moi j'ai l'impression que c'est un truc de prolo. Ouais. Quoique, pour avoir vu le film First Man, tu te dis que la NASA, ça faisait pas forcément rêver à une époque. C'est une bonne question. Parce que d'un côté, c'est quand même tout le monde est basé sur la récolte de cette ressource. Du coup, on peut se dire qu'ils ont un statut un peu élevé en se disant, voilà, c'est grâce à eux que notre société existe. Mais d'un autre côté, genre... Ouais, mais ça marche pas parce que les agriculteurs dans notre monde, C'est ce que j'allais dire. Dans notre monde, ou même les mines de charbon à l'époque de Zola, c'est, tout ça. C'est les bataillons d'exploration. Ouais, un peu, ouais. Ouais, je pense qu'en fait, ça dépend du grade où genre t'as ceux qui planifient les opérations qui, eux, ont beaucoup de connaissances et beaucoup d'études. Les autres, c'est de la chair à canon, tu vois. C'est des trucs qui sont dans l'armée. On les envoie là et ils n'ont pas le choix parce que de toute façon c'est leur seule manière de subsister. Ah, c'est bien. Et en gros, c'est des sacrifiables, entre guillemets. Sauf ce con de héros qui est, ou de cette conne d'héroïne. Du coup, il pourrait être insupportable parce que tout le monde, quand il y a une équipe qui se forme, ils y vont. Ah putain, et tout, j'espère revenir vivant cette fois. Lui là, trop bien et tout. On va aller dans ma dimension, vous allez voir, c'est trop cool. La dernière fois, j'ai vu un monstre, il était énorme et là, tout le monde est en train de flipper. Lui, il était trop beau, franchement. Ouais, je pense qu'il y a quand même une espèce de double. Enfin, il y a une espèce d'excitation à y aller, mais je pense qu'il faut que c'est quand même important qu'il ait une certaine peur. La première fois qu'il y va, bon, bah, il est super excité, il a trop hâte. Et même s'il aime y retourner. Je pense qu'il faut quand même, enfin, je trouve que c'est important quand même de garder l'aspect, il en a quand même un peu peur sur certains aspects, enfin, de mourir, de voir d'autres gens mourir. Je pense que ça. Ouais, non, j'allais dire, peut-être qu'il est un petit peu cheaté au niveau de ses compétences, ce gars-là. Ce qui fait que du coup, il est pas trop inquiet et en même temps, mais il est insouciant. Mais quand je disais inquiet, c'est juste inquiet peut-être par rapport aux autres, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'un jour, jusque-là, il a fait que des missions où tout s'est bien passé et un jour, il va perdre quelqu'un de son équipe qui va être l'élément déclencheur de quelque chose pour lui. Il va se rendre compte que, ah ouais, en fait, quand même, je comprends pourquoi les autres sont pas bien, en fait, à y aller. J'aime bien cette dimension de, où en gros, lui, quand il y va, sa peur, c'est pas de mourir ou de se retrouver confronté au danger de l'autre dimension qu'on n'a pas encore définie, mais c'est de perdre ceux qui sont avec lui. Et en gros, du coup, il a ce conflit un petit peu interne de, putain, j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur pour ceux qui vont avec moi. Et ça peut lui créer un paradoxe. Peut-être même qu'il a une sorte d'invulnérabilité, tu vois. Ouais, peut-être que les monstres ne cherchent pas à le manger. Et qu'au début, ils le remarquent pas, et petit à petit, ils s'en rendent compte. Et tu vois, qu'on commence au début sur l'histoire de il arrive, il s'intègre et tout. Bon, il y a les premières fois où il y a les monstres qui arrivent et il croit qu'il va se faire bouffer. Mais en fait, petit à petit, il se rend compte que, ou à un moment, il y a un incident déclencheur, justement, où il se retrouve face à un monstre tout seul et le monstre ne le bouffe pas. Et c'est peut-être à partir de là qu'il se dit, j'étais déjà en mode, je suis attiré par ce monde, et en plus il y a ça. Et du coup, c'est peut-être là où il se dit, en fait, il faut que j'y retourne, mais pour découvrir quoi donc, pourquoi tout ça. Il y a un truc qui pourrait être sympa, qui serait un contre-pied du shonen, justement, où on commence avec ce personnage qui est over-cheaté, comme tu disais, Sarah. Voilà, dès qu'il fait un truc, il est trop fort et tout. Et c'est les gens autour de lui qui meurent à chaque fois. Ouais. Et à ce moment-là, quand il se retrouve face à ce monstre, il est perdu. et le monstre ne le bouffe pas, il se rend compte qu'en fait, il n'était pas cheaté. C'est juste que les ennemis n'essayaient jamais de le tuer. Ouais, parce que peut-être que les monstres, comme lui, il a quelque chose, une aura qui vient de ce monde-là, il ne le voit pas comme une proie. Et du coup, je me dis, c'est intéressant d'avoir le parallèle en mode, son monde, enfin le monde dans lequel il vit, vient chercher des ressources dans ce monde-là, mais ces ressources dans ce monde-là sont peut-être des cailloux, tu vois, des trucs qui sont inintéressants dans ce monde-là. Et à l'inverse, ben, les humains qui vont dans la dimension des monstres, enfin, c'est des proies pour les monstres. Tu vois, en fait, c'est un échange de ressources. Ah, c'est pas bête, ça. C'est le prix à payer. Tu vois, c'est comme si les aliens avaient fait en sorte que les humains viennent dans ce monde pour pouvoir les bouffer, en fait. C'est ça. Mmh. Ah, c'est pas bête. Et en fait, les humains sont la ressource de ce monde-là. Ah, ça, c'est une super bonne idée, je trouve. Et du coup, on a cet échange équivalent un peu malsain. Ouais, ouais, ouais. Je me dis, ou du coup, en fait, ce gars, en gros, c'est les aliens. C'est comme si les aliens lui avaient piqué étaient venus dans le monde des humains, l'avaient piqué. Tu vois, par exemple, et le fait qu'il soit piqué a permis l'ouverture de ces différents portails. Et il est un peu la clé de ces mondes. Ouais, en fait, il ne le sait pas, mais c'est de lui que tout est parti. Après, ça peut poser problème. Enfin, après, le pitch initial peut être modifié, mais ça peut poser problème sur le pitch qu'on a actuellement. C'est que c'est vraiment déjà institutionnalisé, tout est déjà ancré. Cette société fonctionne comme ça depuis un petit moment. Si c'est lui la clé, c'est-à-dire qu'il existe depuis très très longtemps. Après, ça peut être transmis de génération en génération. Voilà, c'est ça. On peut trouver des trucs pour tricher là-dessus. Mais j'aime bien cette idée que lui, il arrive dans cet univers qui fonctionne déjà comme ça et qu'il va se passer un truc. Donc peut-être cette découverte-là de ce lien de sang ou de ce lien quelconque qu'il a avec l'autre monde qui vient redistribuer les cartes. Je pensais pour y avoir un truc, peut-être que son propre père ou ses propres parents à lui étaient travailleurs dans ces portails. Il faudrait qu'on trouve un nom pour chaque monde. Donc la Terre pour les humains, je propose. Ouais, la Terre. Je dirais même la City, vu que c'est un truc un peu industriel, un peu SF. Et la City. Et pour les aliens, on peut appeler ça le... Ben, on n'a pas encore réfléchi à quoi ressemblait l'autre monde. Je vous propose qu'on s'intéresse à ça. Pour moi, vu que tu as parlé de Nether, vraiment, j'ai vraiment cette image de plein de cailloux, de très rouges, avec une espèce de brume un peu poisseuse. Ouais, je voyais un truc rouge aussi, je sais pas pourquoi. Bah, parce que c'est... Ouais, il y a ça, et vraiment avec des espèces de monstres qui flottent un peu dans le ciel, et qui sont vraiment, qui font genre 100, tu vois, des centaines de mètres de haut. Vraiment... Un truc qui fait vraiment SF, un peu à la... Genre, c'est comme si on était sur Mars, quoi. Un mix entre un désert avec des grandes étendues. J'aime bien l'idée d'avoir, du coup, un truc qui est très dépaysant par rapport au nôtre, parce que, du coup, une grosse base de cette histoire va se baser sur les différences entre un monde et l'autre, le dépaysement de l'un à l'autre. Et là, je viens d'avoir une image en tête, le manga Radiant de Tony Valente, sur lequel, en gros, c'est des îlots, c'est des immenses îlots qui sont suspendus dans les airs. En gros, il y a juste une petite colonne de terre qui les soutient, des îlots au-dessus des nuages. Et en fait, j'imagine un monde où il y aurait des stalactites et des stalagmites qui se regroupent comme ça. On ne voit ni le plafond ni le sol. Et en gros, c'est juste des grandes colonnes de terre comme ça qui sont qui parcourent jusqu'à l'horizon. On ne voit ni le sol ni le plafond. Et du coup, pour se déplacer dans ce monde-là, en fait, on passe d'une colonne à une autre. Okay. Et au milieu de ces colonnes, du coup, il peut y avoir ces créatures qui volent, qui se déplacent, comme vous les décrivez. Et du coup, les humains auraient pu construire des ponts entre les différentes... Ouais, j'imagine ça. Genre, ils ont pu faire des plateformes. On parlait des guildes de déplacement. Justement, les gens de ces guildes-là, ils ont pu créer des objets uniques pour se déplacer dans ces environnements. En fait, ça me fait vraiment penser... Ces espèces de stalagmites comme ça, et de stalactites, ça me fait penser à comme s'ils étaient... ils arrivaient à l'intérieur d'un ventre, tu vois, d'un énorme monstre. Et bon, là, je pars loin. Mais comme si, du coup, les grosses créatures... qui sont en réalité des petites créatures, mais qui sont les bébés, enfin comme si ils étaient en gestation, et qu'en fait c'est pour ça que ils attirent donc des humains ou tout genre de friandises qui permet à ces bébés de pouvoir se nourrir. C'est une très bonne idée, ça me rappelle un épisode de Doctor Who. Ouais. Je préviens, pour ceux qui suivent Doctor Who, il va y avoir un petit spoiler d'un épisode avec Peter Capaldi, donc je ne sais plus lequel, de quelle saison. Mais en gros, c'est un épisode qui se passe sur la Lune, où ils se rendent compte que la Lune a grossi, ils ne savent pas pourquoi, ce qui crée plein de bouleversements sur la Terre, des marées, des conneries dans le genre. Et quand ils vont sur la Lune, il y a plein de petites créatures, enfin des créatures qui font grossièrement la taille de leurs jambes, qui viennent et qui les bouffent. Et en fait, ils vont se rendre compte que la Lune, ce n'est pas un astre comme on le pensait, c'est un œuf d'alien. Et ces petites créatures qu'on voit, en fait, c'est des bactéries qui évoluent sur l'œuf, comme nous, il y a des petites bactéries sur les œufs qu'on peut trouver sur Terre. Mais juste vu que c'est à une autre échelle, ils font la taille d'un humain. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à ça, et ça peut être... J'aime bien cette idée-là de... Bah, en fait, les industries qui sont allées récupérer des ressources dans ce monde-là ne se sont pas posées de questions sur ce monde. Ah ouais, pas que ça à foutre. Toute l'intrigue va tourner autour de, ok, en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on va là-bas, voilà, ils remettent en question leur métier, en fait, les raisons qui les poussent à faire ce qu'ils font. Ouais. Du coup, le héros, en fait, il serait pas reçu comme un corps étranger par l'organisme. Oui, et c'est ce qui fait qu'ils vont pas le bouffer. Ouais, bah ça, ouais, ça pourrait être des globules blancs, effectivement, et lui, il n'est pas reconnu comme une bactérie. Et du coup, peut-être que là, ce que j'imaginais, c'est que le héros va regrouper une espèce de petite team qui se pose des questions, qui voudraient en savoir plus sur ce monde, et qui sont pas juste intéressés par les ressources, mais par plus, et où du coup, ils vont essayer de partir en exploration sans la permission de l'entreprise. C'est très logique avec le perso, en plus. J'aime bien cette dimension-là, où en gros, créer une... En fait, actuellement, on a du conflit dans l'autre monde. Du coup, maintenant qu'on va l'appeler le boyau. Ouais. La deuxième dimension. Ouais. Donc voilà, donc dans le boyau, on a du conflit, mais on n'a pas encore de conflit dans la city. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant qu'on ait un mood un peu complotiste, où en gros, par exemple, les industries, elles, sont au courant de tout ça, mais le cachent aux gens. Ouais. Et donc notre héros va essayer de découvrir tout ça. Et du coup, c'est grâce à des allers-retours entre le boyau et la city qu'il va pouvoir rassembler les pièces du puzzle. Ouais. Et faire tomber ce gouvernement ou cette société qui fonctionne ainsi. Et qui... Le gouvernement nous ment. Je propose une idée, je suis vraiment pas sûr de ça, mais que ça aille plus loin dans le sens vas-y, où... Vas-y, fais-le. Vas-y. Vu qu'on part dans un récit un peu de complot et de paranoïa, qu'il y a un truc où en fait, au début, on croit que c'est un peu ça, que le gouvernement serait au courant de tout ça. Mais en fait, petit twist où en gros, l'alien là, qui a attiré les humains, a réussi à parasiter le gouvernement, et en fait le gouvernement n'est plus le gouvernement, c'est juste, ils ont été ils sont juste manipulés, et le gouvernement pousse à envoyer de toujours plus d'humains pour toujours plus nourrir les aliens. Ah ouais, j'aime beaucoup cette dimension où en gros, au début de l'histoire, on aurait, on pense que c'est que la city est l'assaillant, et voilà, au fur et à mesure on avance, on se rend compte que la city est la ressource. Et là, ouais. Et beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on disait simplement au début, où eux, ils prennent de la ressource et en échange, ils donnent des humains. Ça va encore plus loin que ça. C'est du bétail, en fait. Ça évoque Promise Neverland. Ah, j'ai commencé à regarder. Peut-être un peu. J'ai vu que le premier épisode de la série, mais je vois l'idée. Ouais, bah ça suffit pour comprendre le principe. Le gouvernement est complètement conscient des risques qu'il fait encourir à... Mais comme je disais, c'est des sacrifiables, en fait. Ouais, mais en fait, même la city, c'est un poulailler, ouais. Tout simplement. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est horrible. Et c'est peut-être les élites, les hauts politiciens, etc., eux se mettent à l'abri en donnant en pâture la plèbe à cette autre... Alors, c'est soit les politiciens sont au courant, soit c'est moi ce que j'avais proposé à la base... Donc ça peut être ça, hein. Mais ce que j'avais proposé, c'est plus ils sont parasités. Genre, l'alien a envoyé des espèces de parasites qui fait qu'ils sont contrôlés et que, du coup, inconsciemment, ils envoient ça. Au-delà de ça, donc, je sais pas quelle forme ça peut prendre dans la série, parce que là, ça a demandé de se renseigner pour voir comment fonctionne le commerce, et le marketing, les industries, tout ce fonctionnement-là. Mais est-ce que les aliens ne manipuleraient pas, justement, les bourses, tout ça pour pousser. En fait, d'accord, ils ne sont pas parasités, littéralement. Ils utilisent l'industrie, ce monde industriel, pour obliger les gens à aller prendre de la ressource. Ils créent du chômage de masse. Et est-ce qu'on ne serait pas en plein critique du capitalisme, mesdames et messieurs? Un petit peu, là, j'ai l'impression. Le podcast Brainstorming devient engagé. C'est politique, politique au point. Je bosse dans un service web marketing. Ah, oupsi, désolé. Ouais, mais justement, tu es infiltré, tu es là pour nous permettre de trouver des infos. je suis la taupe. L'idée de par exemple de manipuler les bourses ou ce genre de choses, de créer du chômage de masse pour obliger les gens à aller travailler là-dedans, par exemple, ça paraît être une bonne idée. Mais l'alien est quand même hyper intelligent, hein, par contre. Ouais, puis pour maintenir la population dans une situation de pauvreté, de précarité quand même assez forte, pour qu'il y ait toujours des gens qui soient obligés de faire ce boulot, en fait, quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est tu quittes l'école à 16 ans, en fait, pour pouvoir te lancer là-dedans, parce que... Parce que t'as besoin de thunes pour manger. Ton diplôme, il servira pas à trouver du travail, donc vaut mieux y aller directement. Tiens, dis-moi, Guillaume, est-ce que tu nous ferais pas une petite imitation de Adrien Méniel qui imite quelqu'un qui critique Macron? Oh là là, c'est ça très fait... méta, ça. Attends, ouais, attends, je me souviens. Oui, il le fait tout le temps, c'est pour ça. Je me souviens même plus Ouais, bon, allez, laisse tomber, c'est pas grave. On perd en rythme, là. Allez, on se relance, on s'amuse. J'adore les brainstorming. J'avais une autre idée, mais qui n'est pas en lien avec ce qu'on racontait là, mais... Hey, Macron oui. Hey, Macron, c'est un peu nul ou quoi? Pardon, ça a mis c'est... du temps à charger, ouais, mais c'est ouais. arrivé. Mais waouh, c'est pour ça, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Tu l'as sorti d'un coup comme ça. Désolé Sarah, du coup je t'ai coupé comme un sale chien. C'est pas grave, ça en valait la peine. Ah, mansplaining, ça ouais. On connaît. Hein. Ah, bah, là. Et vas-y que ça y va. Hein. Et encore un podcast engagé. Du coup, ouais, peut-être que le héros, en fait, en partant du principe que ses parents bossaient déjà dans l'autre dimension, donc dans le... Ouais, dans le... On a dit, le boyau. C'est marrant, ça ressemble un peu au bayou. dans le boyau, il a, dans son enfance, il avait peut-être déjà suivi son père, sans que son père le sache. Il était peut-être allé, enfant, illégalement, entre guillemets, dans le boyau. Pour lui, tout se passait bien, vu qu'il est invulnérable, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a vraiment pas peur, quoi, de ce monde-là, parce que lui, il allait faire ses balades quand il était petit, et il allait voir les monstres, et ça allait éclater, quoi. Et pourquoi son père l'aurait emmené illégalement, du mais coup son père ne le savait pas forcément, tu vois, il serait peut-être passé par le portail, parce que, bah, du coup, ça a toujours été son kiff. Ah, d'accord, en gros, tu veux dire, c'est juste, fait, son père avait ce kiff-là d'aller dans l'autre dimension, du coup, il emmenait son fils avec lui. Non, son père n'est pas forcément au courant, mais c'est... Ou alors, peut-être qu'une fois, il a suivi son père, mais sans que son père le sache, et en fait, il est allé dans ce monde-là, il a eu aucun danger... pour lui, puisque les monstres ne l'attaquaient. Et du coup, il a un lien aussi par ce monde, parce que quand il était tout petit, il y est allé, peut-être qu'il y est allé qu'une fois. Il a mangé un champignon. Mais complètement, tu vois, c'est comme ça qu'il a eu son immunité dans ce monde-là. Et du coup, ce qui peut être intéressant, et ça permettra à un moment de faire évoluer la série quand elle commencera à avoir du succès. Si elle commence à stagner. Ah. Peut-être qu'il cherche un monstre particulier qui joue avec lui. C'est surtout que du coup, il y a moyen pour eux de gagner cette immunité, si c'est un truc qu'il a acquis, qui n'est pas inné. Et ça peut être intéressant. Je pense que ça pourrait être un bon twist pour la série, que en fait il arrive, ils se disent ok, en fait pour combattre ce monstre, en fait tout ce qu'il suffit de faire, c'est de faire en sorte que tout le monde ait l'immunité. Ouais, l'immunité collective. À faire l'immunité collective. Actualité, tout ouais, ça. Ouais, tout ça. Hein. Ça se recoupe. Et en fait, du coup, il y arrive. Tu vois. Imaginons, il y arrive. Au bout d'un moment de la série. Sauf que. Du coup, au début, ça marche. Et en fait, très rapidement, il se rend compte que ça marche plus. Parce que le monstre, du coup, on a dit qu'il était hyper intelligent et comprend ce qui se passe. Donc, en fait, il change, je sais pas, le code génétique, un truc du genre. Et même lui n'a plus d'immunité, du coup, au bout d'un moment, dans la série. Et tu veux dire qu'il fait un variant anglais ? Ou un variant breton ? Et après, il fera un double variant indien. Ouais. Mais tu vois, et du coup, en fait, vraiment, la fin de la série se terminerait avec comment ils arrivent à vraiment se débarrasser du parasite, de cette énorme bestiole qui est gigantesque, qui est la taille d'une planète, quoi. Comment on peut combattre un tel monstre ? Mais en même temps, si le but, ils n'ont plus de ressources. Là, actuellement, les deux, on va dire, antagonistes de l'histoire, c'est du coup le boyau, c'est cette créature gigantesque dans laquelle... on évolue dans le boyau, et la city, c'est les industriels. Et donc, en fait, c'est par avidité qu'ils vont s'autodétruire. Comme tu dis, la créature alien va s'autodétruire en essayant tout le temps de changer son corps pour ne plus que l'immunité fonctionne sur les humains. Mm-hmm. Et du coup, il va finir par se tuer lui-même, parce que comme tu dis, finalement, les créatures vont l'attaquer lui-même parce qu'il aura trop changé son code génétique. Ouais. Et en mourant, ben, il va détruire la ressource sur laquelle s'est basée la city. Mmh. Et du coup, le système politique de la city va également s'écrouler. Ouais. Et du coup, là, on a les deux antagonistes qui meurent en même temps d'une même action. Putain, c'est beau. Ouais. Et après, ils vont reconstruire la communauté, ils vont construire des cabanes, faire des petits jardins. Ils vont vivre comme des babos. Voilà, ils vont être là, ouais, ben, vas-y, on fume un bédo, les gars. Ouais, vas-y. Et puis t'as ceux qui étaient babos depuis le début qui vont faire façon, moi je vous ai toujours dit c'est des conneries. Moi je vous l'avais dit. Je jouais au tam-tam, vous vous foutiez de moi. Fais gaffe Mathieu, on sait que tu touchais le RSA. Hein. Tu profitais de la société toi aussi Mathieu. Hein. Mais ça là, actuellement c'est ce qu'on pourrait reprocher à cette histoire là, c'est que vraiment elle est très... très naïve, je trouve, sur sa morale. Tout là, on traite d'un truc politique, c'est toujours très dur de parler de politique, mais important de préciser que c'est normal, sachant qu'on est en brainstorming, que là, on improvise tout ça sur le coup. Il est normal qu'on ne puisse pas approfondir à fond ce sujet-là. Ouais, puis après, on cherche à faire un shonen bien shonen aussi. Oui, c'est vrai, et que c'est jamais... Et dire oui, shonen bien shonen, actuellement, est-ce qu'il nous manque pas un petit peu des boobs, des mots d'amitié, des notions d'amitié, de courage, okay, de destin, d'appel à l'aventure. Des petits animaux mignons pour faire des produits dérivés. Oui, il faut un compagnon. Très important, ça. Ben, il y a l'un des monstres, en fait, c'est un... Qui est trop mignon. Genre, il est... Ouais, en fait, surtout, il arrive pas à grandir ou il a une maladie qui fait qu'il est tout petit. Un bébé monstre. Ouais. Du coup, il mange des donuts. Donc c'est trop mignon, tu vois, il est là, il mange des donuts, c'est là, en fait, putain, lui, il est pas méchant. Et est-ce que, genre, on pourrait pas avoir des créatures, vu que, du coup, dans le boyau, les créatures sont des composants d'un corps, les cellules d'un corps. On a les globules blancs qui sont grossièrement les créatures hostiles, mais du coup, on peut avoir, genre, par exemple, des globules rouges qui, eux, seraient peut-être plus amicaux. On pourrait avoir des spermatozoïdes. Mais c'est tout dans les mêmes canaux, ça se passe. Les créatures, c'est pas les globules blancs. Hein. C'est... Les créatures, c'est les enfants. Les anticorps. Non. Ah ouais. Les créatures hostiles du monde, imaginez ça comme les globules blancs, parce que le rôle des globules blancs, c'est de chasser les corps extérieurs. Oui, mais non, parce que ça c'est pas logique. Du coup, pourquoi la créature chercherait à attirer des humains si ce sont des choses qui devraient être à l'extérieur ? Le truc, c'est... truc, c'est que les créatures sont des bébés, en fait, de la créature dans laquelle ils atterrissent. Et le but, c'est que ces créatures se nourrissent en mangeant les humains, et voilà. Ah, et que ces créatures, en se nourrissant, nourrissent la plus grosse. Soit c'est ça, soit c'est, vu que c'est des bébés, à un moment, on imagine que la grosse créature accouche, hein, comme toute... Ah, ok, je viens de comprendre. En fait, c'est comme l'oiseau qui vient rapporter de la nourriture dans le nid. Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est directement à l'intérieur du ventre. Ok, je comprends beaucoup mieux. Putain, elle a vraiment mis en place des trucs de malade, cette créature. Je serais curieux de voir son processus évolutif. Et la ressource, quelque part, c'est le pollen ou le suc de la plante carnivore, si tu veux, qui attire les insectes et après ils se font bouffer. Mais du coup, il peut y avoir, en effet, du coup, d'autres trucs différents, comme tu dis, qui vont être là, par exemple, pour protéger les bébés. Peut-être plus dangereuses encore que les bébés. J'imagine, du coup, t'as les grosses créatures qui sont les bébés et t'as peut-être des créatures qui sont plus petites, mais qui, genre, t'en as vraiment une centaine qui sont là et qui viennent protéger les bébés, quoi. Et c'est peut-être même ça le plus gros danger, c'est que quand il y a une attaque de tous ces anticorps, entre guillemets, ils savent qu'ils sont foutus, et peut-être que quand il y a ce genre de mission et que t'as un individu qui se fait assaillir, les autres partent et disent c'est foutu pour lui, en fait, faut partir. Et peut-être que le héros serait là en mode, mais non, mais on peut pas le laisser comme ça. Et c'est sûr qu'il sera comme ça. Partir aussi. C'est un héros de shonen, il sera forcément comme ça. Oui. Il doit toujours sauver tout le monde, même dans les cas désespérés. Il y a ce truc qui peut être rigolo, qui donnera un vrai sentiment de symbiose et de cohérence dans cet univers, c'est que du coup, ces petits anticorps, eux, ils tuent, mais sans manger, justement. Juste, ils laissent le cadavre là, oui, c'est et c'est les bébés qui après viennent pour manger le corps. Ah, carrément. Cette bande de gros flemmards. Ils sont même pas capables de chasser eux-mêmes. Tout ce fonctionnement-là, c'est l'alien gigantesque qui a mis tout ça en place. Ouais. Ouais, ouais. Ah, il est vraiment, vraiment fort. Hein. Bah ouais. Puis il a réussi il communique avec les... Soit il communique, soit il peut implanter des idées dans les humains, quoi. Bah, en fait, là, je suis en train de me demander quelle forme il peut prendre. Et là, j'ai une image qui m'est venue, celle du cinquième élément. Mmh. Vous savez, dans le cinquième élément, le méchant, c'est une sorte de planète soleil un peu bizarre qui communique avec donc l'antagoniste, le gardien du seuil du film. Ouais. Donc qui est un humain, du coup, il communique avec lui par la pensée ou par un truc dans le genre. Et en gros, voilà, donc c'est une planète, donc concrètement, il peut rien faire, mais il trouve des subordonnés pour agir à sa place. Mmh. Et c'est un petit peu comme ça que pourrait faire l'alien. Ok. Alors, non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai vu un épisode de Futurama. Ok. Où, je sais pas si vous connaissez un petit peu Futurama. Ouais. Très vaguement. Mais il y a un épisode où il y a une planète, enfin c'est une planète en fait, c'est une entité qui tombe amoureuse, alors je crois qu'au début, alors ça fait longtemps que j'ai vu, tombe amoureux de Fry qui à ce moment-là est engagé dans une coloc polyamoureuse avec une meuf. C'est perché, je sais plus pourquoi. Bref, et en fait cette planète, elle est amoureuse avec tout le monde sur Terre. En fait, c'est un amour universel. Mm. Sauf que quand les êtres humains s'en rendent compte, ils disent « Ah, mais en fait, t'étais aussi avec machin, t'étais aussi avec machin. » La planète fait « Mais moi, j'aime tout le monde, en fait. » Et à la toute fin, il n'y a que la coloc polyamoureuse de Fry qui reste avec la planète, parce qu'il n'y a que eux deux qui acceptent. Les gens sont manipulés. En fait, ils se rendent compte qu'ils ont un tuyau dans le cou depuis le début qui fait le lien avec cette planète. Bon, bref, c'est... Et du coup, ce qu'on cherche, c'est comment la créature manipule les humains. Ouais, comment elle rentre en contact, en fait. C'est comment elle rentre en contact. Et du coup, bah, ça m'a fait penser à cette espèce de système où c'est une planète qui est un peu en télépathie. Si elle rentre en contact, je pense que c'est qu'elle envoie des espèces de matière, de petits monstres qui vont venir dans le monde des humains. Parce que si on reprend le truc de « elle manipule l'industrie pour créer des crises », il faut que ça soit des parasites. Soit c'est des parasites qui prennent forme directement humaine, soit c'est des parasites qui vont direct, comme une sangsue va se coller des mouchards dans Matrix, à un humain et va pousser l'humain à agir de telle manière à créer une crise. Ou alors c'est des créatures qui viennent saboter, peut-être pour saboter, je sais pas, une usine. Ils vont faire exploser une usine pour créer du chômage de masse ou ça. Ouais, ça, genre, elle a des sortes d'agents infiltrés dans la city, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait développer d'autre, là, sur notre concept? On peut un peu plus voir le personnage principal et le groupe qui tourne autour. Quelles vont être les facultés spéciales du personnage principal? Donc, comme on l'a dit, il a une immunité dans le boyau. Ouais. Mais il faut de l'action. On est sur du shonen. On veut de la bagarre. On veut qu'il vienne et qu'il donne une tatane dans la bouche et que l'autre il se prenne une tatane dans la bouche et qu'il meure. Peut-être qu'il est seulement immunisé contre les bébés. Ouais. Oui, donc du coup, les anticorps. Ah non, contre les anticorps plutôt. Après, les bébés sont peut-être moins agressifs. Du coup, Ouais, c'est des gros. Peut-être... Ils sont là. Ils attendent qu'on leur donne à bouffer, quoi. Genre, ce monde qu'on a décrit, donc, comme on l'a dit, il y a plusieurs guildes qui ont toutes des spécificités. Les guildes de déplacement. Comment on se déplace dans ce monde? Pourquoi est-ce que ce monde a un truc si particulier pour se déplacer? Ouais, des vaisseaux. En fait, quand ils arrivent, ils sont pas directement à l'air. Moi, j'imagine plus des espèces de jetpack, parce qu'en fait, la ressource, j'imagine ça plus comme de l'or noir. Enfin, tu vois, il y a des espèces d'endroits où on pourrait miner, en quelque sorte, des petits bouts de pierre violette. J'imagine ça comme ça. Et où du coup, vu que c'est des stalactites qui viennent du haut et du bas. Ouais, c'est des colonnes, quoi. Et, ouais, des colonnes, il faut pouvoir se déplacer en volant, quoi, finalement. Et je pense que c'est plus des espèces de jetpack ou des trucs comme ça. Là, on s'approche un peu de l'attaque des titans, ce genre de choses, quoi. C'est ça, j'avais l'équipement tridimensionnel en tête de ce truc-là, de déplacement. La manière dont ils s'accrochent au mur géant dans l'attaque des titans, je les vois vraiment s'accrocher comme ça pour être sur les colonnes. Moi, j'imagine ça avec une esthétique un peu plus vraiment science-fiction. Toi, tu es vraiment dans de la hard SF. Bah, je trouve qu'avec voilà, on est dans des trucs avec la city qui fait très industriel. Ouais, moi j'imagine plus du steampunk, c'est pour ça. Du steampunk avec des aliens, c'est un peu bizarre, non? Je trouve que ça rentre... Au début de l'histoire, on ne sait pas que c'est des aliens. Hein. Justement, ça peut porter à confusion. Moi, dans leur esthétique, c'est, vu que j'ai vraiment les kaijus en tête, c'est pour ça que ça entre vachement. Mais ok. Et donc du coup, t'as dit qu'il y avait trois... J'ai eu l'idée de trois guildes, peut-être qu'il y en a plus. Tu peux nous les redire? Il y a les transporteurs, qui eux sont expérimentés dans le déplacement de la ressource. Okay. Bon, en gros, j'imagine eux, c'est ceux qui ont l'équivalent des camions et trucs dans le genre qui sont là pour récupérer et faire les déplacements. Il y a les récolteurs, qui eux sont les mineurs, quoi, qui viennent vers la ressource donner des coups de pioche. Et les protecteurs qui protègent les équipes, les deux équipes précédentes. En vrai, pour les récolteurs, peut-être que c'est pas vraiment... Enfin, même si c'est du minage, enfin, c'est des espèces de petites pierres, et je trouverais ça plus intéressant que ce soit pas du minage, genre vraiment à la pioche, mais qu'il y ait un outil un peu spécial. Genre là, j'ai en tête une espèce de scie, qui va découper dans la chair, en fait. Ce dans quoi ils découpent, c'est de la chair. C'est vrai qu'il faut pas oublier que du coup, maintenant, on est à l'intérieur d'un corps, donc comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Du coup, ils peuvent faire des choses assez agressives envers ce corps qui exacerbe encore les attaques, en fait. Même qui provoque les attaques. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas tant qu'ils n'ont pas attaqué la chair, la créature ne sait pas où il se trouve. Ouais, c'est et c'est ça. Dès qu'il commence à récupérer les ressources, que là, elle a une douleur. Mmh. Donc, elle envoie un message télépathique ou je ne sais quoi à ses bébés pour dire là, miam miam. Mais à table, les enfants. Même, ça me fait penser au fait que vu qu'on est dans un corps, il y a des endroits où il va y avoir des organes. En fait, il va y avoir à des moments, ils vont trouver des trucs, ils vont être là en mode, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ça va être, je sais pas, son cœur ou les boyaux, enfin... Ça crée des biomes différents, en fait. Et du coup, ça peut même être du coup des points faibles. Enfin, ils vont pouvoir construire une carte et ils vont pouvoir se dire, attends, si on arrive par tel endroit ou tel endroit, on va être plus proche de tel organe ou tel organe, quoi. Et même, du coup, c'est là où on peut rebondir sur la city, où du coup, selon le portail qu'ils utilisent, ils arrivent à tel endroit ou tel endroit dans le corps. Et donc, du coup, le petit groupe autour du héros vont tenter de prendre tel portail ou tel portail. Sauf qu'évidemment, les entreprises vont pas du tout vouloir parce que, je sais pas, ils les prennent pas du tout au sérieux. Ou après, il y a aussi le fait que ces endroits où ils veulent aller, c'est un endroit qu'ils ont déjà exploré et qu'il n'y a pas de minerai. Enfin, ils sont juste arrêtés au fait qu'il n'y avait pas de minerai. Donc, ils ont dit, là-bas, ça sert à rien d'y aller et de perdre des ressources à essayer d'aller là-bas alors qu'il n'y a rien. Ouais, donc, ils désinstallent les portails. Ils sont obligés de réinstaller des anciens portails qui ont été démontés. Ouais, ça crée toute une petite résistance. Du coup, notre héros, il fait partie de quelle guilde à la base? Plutôt les protecteurs, non? Ouais. C'est ça, c'est la première idée qui viendrait, vu qu'on veut de l'action, ce serait qu'il soit protecteur. Ce qui paraît le plus logique. Ça pourrait être marrant, justement, qu'il soit pas dans les protecteurs. Tu sais, ça rejoint le. Et qu'il devienne. Et ouais, et que, genre, lui, il voulait les protecteurs, mais ils l'ont refusé parce que, trop faible et tout. Ouais, c'est peut-être ça, c'est que les protecteurs, c'est le seul truc qui est un petit peu prestigieux, peut-être. Ouais. Non, quoique, parce que j'imagine que les protecteurs, vu que c'est eux qui vont au contact, c'est eux qui perdent le plus d'hommes. C'est le plus dangereux, quand même. J'imagine plus ça en mode. Lui, il veut ça parce qu'il aime la baston, et on lui dit non parce que, genre, il est trop faible, tu sais. Pas assez fort. Ou parce qu'il est trop bon dans son autre domaine. En gros, il récolte plus vite que personne. Que son ombre. Et du coup, on lui dit, non, mais mec, si on t'envoie te faire charcuter, nous, on perd du bénéfice. Il fait, mais j'ai trop envie de faire ça, moi, arrêtez de me faire peur. Peut-être qu'il se rende compte que lui, quand il récolte, il se fait pas attaquer. Oui, et bien c'est peut-être pour ça qu'il est aussi efficace, d'ailleurs. Ouais. Mais au bout d'un moment, ils se disent, mais attends, en fait, toi, personne t'attaque, du coup, ça vaut peut-être le coup que tu passes protecteur. Ouais, non, ça pourrait arriver. Ouais, encore que si lui, il attaque pas, du coup, ils vont s'en prendre aux autres. Ouais, je pense pas que la City se rend compte très tôt, enfin, se rend compte avant lui que lui n'est pas attaqué. Ouais, je pense que c'est d'abord lui. Bon, écoutez, et vous voulez qu'on continue à chercher ou Peut-être qu'il serait au début un petit peu rejeté des autres à cause de ça. Parce qu'ils disent, lui, il est bizarre, il se fait pas attaquer. Ouais, ça crée des jalousies. Bah oui, il peut avoir cette réputation de genre de démon, entre guillemets, oui, parce exactement. Que il est le seul à revenir à chaque fois. C'est ça. Et du coup, ça effraie les autres. Ouais, genre, il a cette réputation de putain, c'est le mec maudit, quoi, à chaque fois qu'il c'est va. C'est un monstre. C'est Naruto ou quoi? On pourrait même le soupçonner de lui-même tuer les gens. C'est un héros de shonen, quoi. Tout le monde le rejette au c'est début. C'est ça, c'est. Exactement. Ouais, bah, c'est ça, et après, il se trouve des amis, quoi, et il devient le meilleur Hokage. On n'a pas parlé des amis de notre héros, c'est bien dommage. Bah, il peut y avoir cet ami qui l'a vu mourir sous ses yeux, tu vois, et qui fait prendre conscience que son monde était dangereux. Ouais, ils étaient tous les deux ensemble, tu vois, en train de récolter. Et puis l'autre, il s'est fait bouffer, et lui, rien du tout, quoi, on l'a pas calculé. C'est ça. Il a essayé de le sauver, mais c'était... C'est ça, et du coup, il est en mode, mais pourquoi c'est pas moi qu'on l'a tué? Pourquoi? Ouais, c'est ça. Moi, personne ne l'aurait regretté. Ouais. Cet ami, c'était le seul qui le voyait pas comme un démon, tu vois. C'est ça. Là, j'imagine vraiment le premier épisode, du coup, s'ouvrir comme ça, où en gros, ils vont. Donc, on est sur le départ d'une cargaison. Là, ils s'apprêtent à franchir le portail. Du coup, on a toute l'exposition des bases du fonctionnement de la City. On découvre la sale réputation du personnage principal. Parce que voilà, tout le monde là dans son équipe, ils font putain, ça fait chier, nous on l'aime pas lui. Et il y a que un gars qui vient qui fait hey, salut, je suis hyper sympa avec toi, du coup je vais mourir. Ouais. À l'épisode 1. C'est tellement ça. Et du coup, ils vont faire les ressources, ils se font attaquer. Donc là, presque toute l'équipe se fait trucider, sauf lui et le mec sympa. Il fait hey, moi j'allais mourir, mais en fait je suis pas tout à fait mort. Du coup, ils vont essayer de rejoindre un portail à pied, avec les moyens du bord. Mais juste arrivé devant le portail ou très proche du portail, son pote finit par se faire buter. C'est ça. Et lui, il est à la merci de la créature qui vient de finir de déchiqueter son copain. La créature le regarde et s'en va. Ouais. Et du coup, encore une fois, il est le seul à rentrer, mais pour la première fois, il se rend compte qu'on aurait pu me bouffer. Il y a un autre gars qui a vu ça. Et là, ça crée la merde. Ouais. Allez, on a notre épisode pilote. Ok. Pas mal. Bon, les enfants... je crois que nous avons bien fait le tour de l'idée. Il y a encore plein de choses à brainstormer, mais comme d'habitude, c'est un format podcast. À un moment, il faut s'arrêter. Je vous propose donc de passer à la dernière séquence de l'émission. A jingle. Ah non, attends, il me semble que j'ai écrit une transition. maintenant, parce que d'habitude, j'ai jamais de transition. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je recommence. Maintenant qu'on a bien brainstormé, il est temps de trouver un nom à notre monstre. Écoutez ça. Cela ne me dit rien qui vaille. Et oui, tout à fait, car en conclusion, on ne sait jamais trop quoi dire, donc je vous propose, pour faire, pour conclure cette histoire, on essaie de trouver un nom à notre histoire, car notre histoire n'en a pas encore. Là, si on est dans un shonen, ouais, il y a toujours cette base de donner le nom du personnage principal. Soit c'est le nom du personnage, mais après, c'est aussi souvent, par exemple, ce que le personnage cherche à... Mmh. Oui, c'est vrai, comme Radiant... One Piece. Le boyau. Tellement nul. Ce serait sympa de trouver un truc qui, une fois qu'on sait... Enfin, c'est un truc qui fait écho à une partie du corps, ou du moins aux organes à l'intérieur du corps... Et c'est seulement une fois qu'on a la révélation de « Ah, mais en fait, ça se passe dans le corps d'un alien », qu'on se dise « Ah, mais putain, c'est pas con, ça. Ah, » Alien ouais. Body. J'emménage dans un alien. Un truc avec les tripes. Ah ouais pas mal. Tripes, anticorps... Les tripes bien accrochées, tu vois. Mais c'est, ça sonne pas hyper bien. Mais... Bad trip. Bad... Ouais. Non mais moi franchement je valide Bad Trip, hein. ça sonne bien. Ah ouais. Bah ça fait pas du tout shonen, mais j'aime bien le jeu de mots. Moi je suis friand de mauvaises blagues, donc. Gardons ça alors. Gardons Bad Trip. Eh bien voilà, vous avez assisté aux prémices de Bad Trip. Nous vous remercions d'avoir écouté jusque là ce podcast. Et juste avant de conclure. Sarah, du coup, on peut te retrouver sur ta page sur ta page Instagram Sarah Catwo. Tout à fait. Où tu racontes ta vie, etc. Est-ce qu'on peut dire que tu es une influenceuse de talent? Oulala, oui, avec 200 abonnés, hein, là, c'est de la grosse influence. Hein. De toute façon, il faut savoir que tu vas nous ramener énormément de public grâce grâce à ma commu. Commu, exactement. Ah bah là, on a déjà la commu de brainstorming est énorme. Donc qui est faite de gens bon délire. Oh yes, on adore les gens bon délire. En plus, ça fait des références aux épisodes précédents. Mon Dieu. Putain, merde, c'est des références à nous là. Ouais, ouais, ben et puis avec Arthur ou. Ok. Quand tu parlais de bon délire. Okay. Est-ce que c'est bon délire? Enfin bref. Il y a tellement de temps entre l'enregistrement de chaque épisode que j'oublie ce qu'on a dit. C'est vrai que moi, du coup, c'est vrai que je m'en souviens parce que je l'ai monté cet épisode-là, donc je l'ai beaucoup entendu. Mais ouais. Quelque chose à ajouter ou un autre réseau, un autre truc? Ah si, tu es la créatrice aujourd'hui très célèbre de la playlist Spotify Les Otaku Otake. Incroyable cette playlist. Que vous pourrez aller écouter. Quant à toi, Guillaume, et quant à moi, Tristan, également Instagram, tous les liens, comme d'habitude, dans la description. Le truc YouTube, notre chaîne YouTube, où on diffuse pas grand-chose, à part les teasers de brainstorming. Mais des fois, il y aura d'autres choses. Et des fois, il y aura d'autres choses. Aimez-vous, venez nous écouter sur toutes les plateformes, Deezer, partagez, Spotify. Partagez à fond. Partagez, très très important, oui. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau brainstorming. Bisous. Ciao. Qui c'est le meilleur? Oh, c'est toi le meilleur. Non, c'est toi le meilleur. Et je suis le meilleur. Tu es le meilleur. D'accord. Oh, c'est rigolo.